On va parler avec notre ami Marc Griffin. C'est un petit bouton qu'on n'a pas parlé, évidemment, il n'y a pas de baseball. Salut Marc. Salut Danny. Marc, évidemment, avant de parler, je voulais te parler de ton équipe d'Étoiles des Expos, ce que tu as fait, puis je voulais la comparer avec la mienne. La reprise, je parlais avec Roger Brulotte cette semaine. Lui, il est confiant qu'il y ait des matchs. Il dit même que, moi, je crois pas ce que Roger disait, que ça peut même se rendre jusqu'à Noël. Mais pour avoir une saison, il va en avoir une, là. Ben écoute, tout le monde travaille en ce sens. C'est clair ouais. Tout est fait en ce moment pour que il y ait une saison d'une façon quelconque. Moi, je pense qu'il va y en avoir une. Elle ne sera pas de 162 matchs. Là, je pense ouais. que ça va être assez clair. Mais tu sais, je veux dire, il y a vraiment personne qui sait jusqu'à où tout ça va nous mener. Là, c'est tellement, écoute, c'est mondial tout ce confinement là. Donc. Mais moi, je suis confiant qu'il va y avoir quelque chose. Le sport est quand même, ça reste un baume pour la population. Lorsqu'on voit du sport, en réel, là, c'est comme si ça donne de l'espoir à tout le monde. Donc, il y a vraiment plusieurs plans, plusieurs scénarios là, qui sont présentement là, sur la table. Mais évidemment, on attend le fait de voir est-ce qu'on peut s'assurer de la sécurité des joueurs et du personnel. Pour jouer une saison. Là, ce qui va arriver avec les ligues mineures, eux autres, tu sais, je veux dire, ils ont besoin de jouer aussi, un pour le développement, puis de deux, ça risque de jouer en condensé, donc on va avoir besoin de beaucoup de bons joueurs. Là. Bon, les ligues mineures, c'est un autre dossier. Parce ouais. que on va s'entendre là, que s'il y a du baseball, en tout cas, certainement, là, si ça commence en juin ou en juillet, ça va être à huis clos. Je vois pas comment ça ouais. peut. Tu sais, je vois pas comment. Donc, comment les ligues mineures, eux, vont pouvoir contrôler tout ça? Moi, ça m'inquiète beaucoup. Les ligues mineures ne commenceront pas en même temps que le baseball majeur. Ouais. Et ce que je pense qui va arriver, c'est que on va avoir des formations de 30 joueurs. Probablement qu'on va entraîner un peu plus que ça, compte tenu, okay. évidemment, qu'est-ce qu'il y a des blessures, des choses comme ça. Donc, moi, les ligues mineures m'inquiètent beaucoup à ce niveau-là et ça va peut-être être ça, en tout cas, assurément retardé éventuellement là, par rapport au baseball majeur. Parce que le baseball majeur, quand il y a eu des grèves, les ligues mineures jouaient à l'époque, là, mais c'est pas le cas. Oui, là. Mais là, le contexte est différent. Puis écoute, la bonne nouvelle, s'il y en a une petite là-dedans, c'est que là, on semble-t-il qu'on va aller à 10 rondes au lieu de 5 rondes. Parce que rappelez-vous, il y a à peu près 4 semaines de ça. On a négocié un paquet d'ententes au niveau du baseball majeur et pour diminuer les coûts, on avait décidé d'aller à 5 rondes seulement. Imaginez, là, tous les jeunes qui tentent alors là, semble-t-il qu'on va aller à une dizaine de rondes, une vingtaine de rondes l'année prochaine. C'est très peu, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas si longtemps, écoute, pour vous donner une idée, Mike Piazza, à l'époque, avait été repêché en 62e ronde. Ouais. Bon, à l'époque, il y avait autant de rondes que les équipes voulaient bien repêcher. Là, on a diminué ça à 40. Mais là, on voulait diminuer ça encore plus. Alors, c'est de plus en plus difficile de percer dans ce sport-là. Mais je suis heureux de savoir qu'au moins, on a une ouverture d'aller au moins à 10 rondes cette année, compte tenu qu'il n'y a même pas, évidemment, de comprendre de baseball universitaire non plus. Non, il n'y a rien. Marc, j'ai vu chez RDS, il y a quelques semaines, t'as fait ton équipe d'étoiles de l'histoire des expos. Je l'ai faite aussi. J'ai même fait celle des Blue Jays. Je vais t'aider de commenter celle des Blue Jays, mais toi, tu l'as pas faite. Mais celle des expos, ben, je pense qu'on va la comparer avec la mienne. Ben, il faut faire attention, Danny, ouais. parce que c'est mon équipe de rêve, mais c'est mon équipe de rêve de joueurs qui m'ont marqué. C'est pas nécessairement les meilleurs joueurs. On peut faire une équipe de rêve, mais moi, c'était surtout là, l'équipe qui... Tu sais, parce que bon, il y en a qui, lorsqu'ils étaient jeunes, sont allés au Stade olympique, puis qu'à un moment donné, je ne sais pas, moi, ils ont vu un joueur comme... pas nécessairement un joueur étoile, mais qui leur a donné un bâton, qui leur a fait un sourire, qui a signé un autographe. Des fois, il y a des joueurs qui vont te marquer sans que ce soit... Ça reste que les meilleurs joueurs restent des joueurs extrêmement populaires, mais ça c'était pas toujours... dans mon cas ici, là, sur ce que j'avais fait à RDS, c'était pas nécessairement les meilleurs à ce niveau-là. OK. Quand même, je vais te dire la mienne, puis je veux savoir ce que tu en penses. Recevoir Gary Carter, il n'y a pas de doute. Ben oui. Andrés Galarraga au premier but. Toi? Oui. Ouais. Absolument, même chose, oui. Okay. J'ai beaucoup aimé Al Oliver, mais il a joué qu'une seule année, bon frappeur, mais je pense Galarraga pour son physique. Et défensivement, Oliver, c'était pas fort, là. C'était... Non, exactement. Non, Andrés Galarraga, assurément, est un bon choix. Deuxième but aux Évidraux, tu es d'accord avec moi? Mm-hmm. Ben oui, moi j'ai beaucoup aimé ce que Mike Lansing a fait à l'époque, mais moi le joueur qui m'avait marqué, c'était Rodney Scott, parce que Rodney Scott à l'époque trouvait qu'il était tellement intelligent sur les buts, dérangeait tout le monde, dérangeait l'adversaire. C'est un gars que j'ai beaucoup apprécié qui à l'époque là, que je commençais à suivre les expos. OK, Areco Orlando Cabrera. Mm-hmm. D'accord avec moi? D'accord avec toi. Oui, il y a UB Brooks qui a connu de bonnes saisons en attaque du côté des Expos, mais je pense que Cabrera, c'est sûr que, tu sais, moi j'ai un petit penchant pour Cabrera, compte tenu que je l'ai vu grandir dans l'organisation, puis je me souviens que Philippe Hellou m'avait dit, surveille-le lui. Lui, il va faire quelque chose de spécial, puis évidemment, il est devenu un excellent joueur de baseball. T'sais. OK. Ensuite de ça, au troisième but, j'ai mis Tim Wallach. Larry Parrish, ça pourrait être pareil, mais j'ai mis Wallach. Ouais, ben écoute, on était gâtés à Montréal. On a eu deux troisième buts de grande qualité. Ouais. Je pense un ou l'autre, mais moi aussi, Tim Warvac serait mon choix. Champ gauche, Tim Raines, c'est pas de doute là-dessus. Mm-hmm. Champ centre, Dawson. Et champ droit, Vladimir Guerrero. Ouais, écoute, c'est sûr que tu sais là, si on y va position par position, je comprends tes choix. Tu sais, moi, Dawson, je pense c'est naturel. Grissom a été personnellement un gars qui m'a aidé beaucoup, puis probablement un des plus gentilshommes de tout le baseball. Rondell White également, là, pour ajouter d'autres chansons. Mais tu sais, moi, tu sais, à quelque part, faut que Larry Walker fasse partie de cette équipe là. monsieur, tu peux le mettre au premier but, tant qu'à ça. Ouais, ben, écoute, effectivement, je pourrais le mettre au premier but, mais pour moi, c'était un des bons athlètes là, qui avait utilisé l'uniforme des Expos, puis évidemment, on peut pas danser Vlad au champ droit, là, fait que faut inclure Walker quelque part. OK, donc, frappeur de choix. Ah, même pas, c'est même pas un frappeur de choix, Walker, frappeur de choix, ça ferait bizarre. On va mettre Guerrero frappeur de choix, puis Walker dans la droite. Ah, OK, je t'obstine pas là-dessus. après ça, lanceur, écoute, il y a un débat, il y en a, c'est les médias sociaux, il y en a qui ont dit Pedro Martinez, moi je vais y aller avec Steve Rogers, je m'explique, parce que Rogers a été plus longtemps que Pedro comme lanceur, et Rogers a probablement gagné les deux plus gros matchs de l'histoire des Expos en 81 contre Steve Carlton. Ben écoute, là tu fais ça tough si tu choisis un seul lanceur, là, mais si c'est un seul lanceur, regarde, un choix ou l'autre, c'est extraordinaire. Moi, vous comprendrez que j'ai joué avec Pedro, j'ai grandi dans l'organisation des Dodgers avec Pedro. Lorsqu'il a été échangé, il était pas mal content de voir qu'il connaissait quelqu'un dans l'organisation des Expos. Fait que tu sais, c'est sûr que j'ai un lien particulier avec Pedro, mais écoute, Steve Rogers, quel homme premièrement, quel gentilhomme extraordinaire, et effectivement, les souvenirs de ses duels avec Steve Carlton sont quelque chose. OK, donc Ross, lanceur que je l'ai mis, lanceur gaucher, j'ai choisi un lanceur gaucher, moi je vais avec Jeff Facero. OK, lanceur gaucher, ben oui, j'aime ton choix absolument. Puis un gars qui a surpris, là. C'est un gars qui s'en allait peut-être nulle part dans sa carrière, puis avec les Expos, il est devenu un joueur vraiment de premier, un lanceur de premier plan. Parce que je me rappelle quand Facero a commencé comme releveur avec les Expos, puis Philippe Hellou avait besoin d'un lanceur. Il dit, tiens, on va essayer Jeff Facero, parce qu'il avait lancé dans les ligues mineures comme lanceur partant. Et c'est à partir de ce moment-là écoute, c'est un lanceur pas loin de 200 manches, 12-13 victoires par année, là, le temps qu'il était avec les Expos. Ça, c'est un lanceur que Philippe a adoré, tu fais bien de le mentionner. Puis tu sais, c'est un lanceur, tu lui donnes la balle, tu sais qu'il va te lancer 7 manches, qu'il va garder ton équipe dans le match, il ne lancera pas un match sans point de coup sûr. C'est pas lui qui avait la balle rapide, explosive, comme un Pedro, par exemple. Mais Caroline, il faisait le travail. Il faisait le travail, puis tu le dis, ces 200 manches, là. À tous les 5 jours, tu lui donnais la balle, puis tu savais que tu avais quelque chose de bon au monticule. C'était vraiment un joueur, puis je te dirais un joueur mésestimé. On est content aujourd'hui, tu sais, on en parle, mais tu sais, on avait d'autres vedettes à l'époque, puis Facero faisait partie des bons joueurs, mais c'était jamais lui là, qui était à l'avant-plan. Fait que je suis content de voir qu'aujourd'hui, je pense que c'est tout à son mérite là, qu'on nomme un gars comme ça dans une équipe de rêve comme ça. Et le releveur, John Whitten avant Jeff Reardon. Et là, il y a des gens qui disent, faut bien s'entendre, c'est le joueur de baseball et non l'individu, là, le joueur de baseball. Écoute, Whitten, de mémoire, Marc, tu sais quand même moi, c'était plus 1-2-3 que Reardon. Reardon, il avait le don de remplir les buts et rendre ça excitant. Tandis que Whitten, il était capable aussi, John, de nous rendre ça excitant, absolument. Puis je suis d'accord avec toi, là, tu sais, dans le fond, on va oublier ce que Wetland est aujourd'hui. On va penser à ce que Wetland a fait avec les Expos. Puis tu sais, tant qu'à ça, on pourrait parler de Guette Urbina. On va oublier ce qu'il a fait aujourd'hui. Merci. Mais effectivement, moi je suis. Je pense que Wetland était quand même. Tout le respect pour Jeff Reardon, mais Wetland était l'homme de la situation. Ouais. Reardon, c'était du up and down, là, souvent. Puis bon, ben. ça a occasionné parfois des maux-têtes, mais je suis d'accord avec toi dans le cas de Wetland. Et le gérant Philippe Allou, le directeur général, il a même été jusqu'au directeur général, Dave Dombrowski, parce que moi, je pense que le prochain là, des expos là, qui va aller à Cooperstown, qui a déjà fait partie de l'expo, c'est Dave Dombrowski comme bâtisseur. Tu regardes sa fiche, Dombrowski, Marc. C'est un gars qui peut aller au Hall of Fame comme bâtisseur. Oui, absolument. Non, tu fais bien de le mentionner. Tu sais, je veux dire, Dan Duquette a quand même fait quelque chose de très bien avec, avec les expos. C'est lui qui a fait la transaction de Pedro Martinez, entre autres, contre Delino de Shields. Écoute, les expos ont été, non seulement on produisait d'excellents joueurs, mais on a produit d'excellents directeurs gérants au fil du temps qui ont fait leur nom aussi ailleurs par la suite. Mais bon, je vois Dombrowski qui est un gentleman encore aujourd'hui, tout à fait exceptionnel. Ouais. C'est sûr que là, sa feuille de route au fil des dernières années était moins reluisante, mais il a quand même fait un travail remarquable au fil d'une très, très longue carrière. Là. John McHale, écoute, il a marqué, si je lis les livres de Jacques Doucet, mais je ne l'ai pas connu, moi j'ai commencé à suivre les expos en 81, mais John McHale, de ce que Jacques dit, c'est un gars qui a fait sa marque pareil, là, parce qu'il était même... prétendu pour être commissaire quand il est arrivé à Montréal. Jacques en parle dans ses podcasts puis dans ses livres. Ouais. Donc, mais ça, je ne l'ai pas assez connu. Hey, rapidement, j'ai fait celle des Blue Jays, je vais voir tes commentaires. OK? Receveur Ernie Witt avant Russell Martin puis Pat Borders, d'accord? Oui, écoute. Ernie Witt! c'est Pat Borders était probablement le moins bon des trois, mais qui a probablement performé le mieux dans les temps opportuns. Okay. Puis Russell Martin, évidemment, a fait en sorte de stabiliser un personnel de lanceur. Mais je comprends, Ernie Witt était très populaire, mais défensivement, là, moi, il faut jouer avec un Russell Martin. Okay. Premier but, il y a des bons joueurs à Toronto. Là. Il y a eu Fred McGriff, John Olerud, mais mon choix, c'est Carlos Delgado. Mm-hmm. Ben, excellent choix. Moi, j'ai beaucoup aimé John Olerud parce que c'est un gars que j'ai connu jeune, là, mais tu le dis, là, c'est très trois excellents premiers buts. Un ou l'autre là, des trois, ça ne serait pas un mauvais choix exactement. Deuxième but, Roberto Alomar, c'est Walk in the Park, ça, c'est facile. Ouais. Arrêt court, Tony Fernandez, pas de doute là-dessus. Absolument. Troisième but, il y a eu des bons joueurs, mais Josh Donaldson, d'accord avec ça? Oui. Kelly Grober, qui a. Ouais. Je ne sais pas si tu as remarqué les matchs qu'on a vus. On en a présenté à RDS, mais Kelly Grober, même, je présentais ça à des jeunes joueurs, à des jeunes, des plus jeunes, puis écoute, c'était la copie conforme de Donaldson, un peu moins costaud, mais son style de jeu ressemblait beaucoup à Donaldson. Moins de puissance, d'accord avec toi pour Donaldson. Un peu moins de puissance, hein? C'était pas le gars. Oui, moins de puissance, mais je parle de style au bâton, son langage corporel, sa façon dont il se promenait sur le terrain, qui attrapait des roulants. C'est un style qui pourrait se ressembler un peu, mais oui, Donaldson était plus puissant et meilleur. Champ gauche, George Bell, parce que Carter joue à droite, donc je dois y aller avec George Bell. Champ centre, Devon White. Quel voiture, un des meilleurs voitures défensifs qu'il y a eu du baseball. Mais Lloyd Mosby était tout un joueur de balle, en passant. Là. Et champ droit, Jose Bautista. Mais Joe Carter peut faire la même job, mais je vais y aller avec Bautista. C'est peut-être un choix. Puis Jesse, on pourrait nommer Jesse Barfield aussi, qui était un joueur exceptionnel à son époque avec les Blue Jays. Ah, Toronto a eu de très, très bonnes équipes de balle. Là. Surprenant pareil qu'il y ait deux joueurs qui sont au Hall of Fame avec la casquette des Blue Jays. Là. Quand tu regardes ça, là. Lanceur, je vais y aller avec... Écoute, t'as Roy Halladay qui était peut-être plus dominant, mais Dave Steve, c'était Monsieur Blue Jays au début des années 80. Gérant, Bobby Cox. Après ça, directeur général, j'adore Alex Antopoulos, c'est un des hommes de baseball, mais je dois y aller avec Pat Gillick. D'accord avec ça? Oui, absolument. Absolument. Pat Gillick est un grand batteur, mais... T'sais, tous les gars que tu as nommés, on aurait pu les mettre puis on se serait pas obstiné parce que c'était vraiment tout le monde était de grands joueurs, de grands personnages de Toronto. OK. Bon, Marc, en terminant, écoute, curieusement, les Blue Jays ont perdu encore un joueur cette semaine qui a joué avec les Expos. Je vais avoir tes commentaires là-dessus. Hey, cette année, là, ils ont perdu leur milieu d'avant-champ des années 80. Damaso Garcia, il a joué avec les Expos, mais quand il est arrivé à Montréal, c'était un essai qu'on faisait puisque c'était dans le temps les Expos avait le don de recycler des joueurs qui étaient en fin de carrière et de faire des essais. Mais à Toronto, Garcia, c'est un joueur étoile. Oui, tu as parlé de Garcia et de Fernandez, ce duo à l'avant-champ des Blue Jays qui était extraordinaire. Il avait des mains magiques, Damaso Garcia. Il avait cette réputation-là une fluidité, hein. C'est une grande tristesse de voir des deux gars comme ça aussi jeunes quitter ce monde, mais on a que les bons souvenirs. Puis je regardais, je lisais les commentaires des gens de Toronto et tout le monde a apprécié évidemment Damaso Garcia, qui est un très gentil homme en passant, qui est venu lorsqu'il était avec les Expos, comme tu l'as dit, en fin de carrière. Tu sais, de voir des gentlemen qui respectaient le baseball, qui respectaient les gens autour. Tu sais, c'était vraiment du bon monde. C'est une lourde perte, ça, Damaso Garcia. Marc, gros merci. Donc, après toi, ça recommence quand pour la fête? Le 4 juillet, tiens, ça serait une belle date pour les Américains avec tout ce qu'ils ont vécu. Ça serait logique, non? Écoute, tout ce que je souhaite, c'est qu'on puisse en voir. Ça vraiment, comme j'ai dit tantôt, ça mettrait un bombe, ça nous donnerait de l'espoir. Puis, on sait que il y a rien qui sera normal cette année, mais au moins si on a un peu de baseball puis qu'on puisse bâtir là-dessus, ça serait le fun en mode. Écoute, dans l'histoire, Marc, dans l'histoire des guerres en 39-45 et toutes les guerres, les Américains, le sport restait, hein? C'est la seule fois qu'il n'y a pas de sport. Que tu regardes ça, là? Non, c'est spécial, on vit un moment historique, là, qui n'est peut-être pas dans le bon terme du niveau historique, mais qui fait que. J'ai bien hâte de voir, moi, ce qui va changer du sport. Mais une chose est sûre, Danny, pour finir avec une note un peu plus humoristique, mais on pourra plus voir ben trop de joueurs de baseball cracher à terre. Là. Non. Puis j'ai hâte de voir. Il va falloir changer des habitudes de vie un peu. Là. Qu'est-ce qui va arriver avec le dossier des expos? Parce que là, écoute, est-ce que là, ça va tout chambarder? Parce que le sport professionnel ne sera plus jamais pareil. Il y a des équipes qui vont déménager. Il y a des ligues qui vont faire faillite, Marc. La Ligue, tu sais, la MLS, toutes ceux et celles qui le principal source, c'est les billetteries. Ça va être très difficile à relever de ça, là. Ça va être, moi, je pense que ça va être difficile pour. Mais je pense pas qu'il va y avoir une tonne de faillites. Je pense que ça va soutenir. Tu sais, je pense que les gens vont être capables de trouver une manière créative, en tout cas, de survivre. Est-ce que ça va être faillite dans 3-4 ans parce qu'on n'a jamais été capable de revenir peut-être. Mais rapidement, sur le dossier des expos, moi, je peux te dire que plus que jamais, tout le monde regarde ce dossier-là parce que c'est peut-être l'avenir. C'est peut-être la solution justement pour sauver des franchises. Parce que l'objectif d'avoir deux villes entre Tampa et Montréal était justement de maximiser financièrement des choses. Fait que je pense que ce dossier-là est loin d'être mort. Je ne dis pas que ça va se faire demain matin, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une structure que beaucoup de gens vont analyser, qui trouvent de moins en moins farfelu compte tenu de la situation qu'on vit. Ouais. Marc, ça fut un plaisir de se parler de nos équipes d'étoiles, puis on a oublié de se reparler. OK, merci beaucoup. Marc Griffin. Bye.